Leçon 5. Activité 2 et 3, page 82, piste 65. Oh, ici, l'air est frais. Le soleil brille. Regarde la rosée, elle est brillante. Oui, c'est magnifique. Mais, qu'est-ce que c'est là? Oh là là, ce sont des sacs plastiques, des bouteilles en plastique et des papiers. C'est vraiment moche. Nous devons ramasser ces déchets pour protéger la nature.